Job chapitre 35. Élie poursuivit encore son discours, et dit, « As-tu pensé rendre ta cause bonne, quand tu as dit, « Ma justice est au-dessus de celle du Dieu fort ? Si tu demandes de quoi elle te profitera, disant, « Que m'en reviendra-t-il, de même que de mon péché ?» Je te répondrai en ces termes, et à tes amis qui sont avec toi. Regarde les cieux, et les contemple, vois les nuées, elles sont plus hautes que toi. Si tu pèches, quel mal fais-tu à Dieu ? Et quand tes péchés se multiplieront, quel mal en recevra-t-il ? Si tu es juste, que lui donnes-tu, et qu'est-ce qu'il reçoit de ta main ? C'est un homme, comme tu es, que ta méchanceté peut nuire, et c'est au fils d'un homme que ta justice peut être utile. On fait crier les opprimés par la grandeur des maux qu'on leur fait, ils crient à cause de la violence des grands. Et on ne dit point, où est le Dieu qui m'a fait, et qui donne de quoi chanter pendant la nuit ? Qui nous rend plus éclairés que les animaux de la terre, et plus intelligents que les oiseaux des cieux ? On crie donc à cause de la fierté des méchants, mais Dieu ne les exauce point. Cependant tu ne dois pas dire que ce soit en vain, que le Dieu fort n'écoute point, et que le Tout-Puissant n'y a nul égard. Encore moins lui dois-tu dire, tu ne le vois point. Car le jugement est devant lui, attends-le donc. Mais maintenant, ce n'est rien ce que sa colère exécute, et il n'est point entré fort avant en connaissance de toutes les choses que tu as faites. Job donc a ouvert sans raison sa bouche pour se plaindre, et il a entassé parole sur parole sans connaissance.